Wenceslas, fatigué d'une pareille matinée, laissa bouder sa femme et partit pour son atelier y faire la maquette du groupe de Samson et Dalila, dont le dessin était dans sa poche. Hortense, inquiète de sa bouderie et croyant Wenceslas fâché, vint à l'atelier au moment où son mari finissait de fouiller sa glaise avec cette rage qui pousse les artistes en puissance de fantaisie. À l'aspect de sa femme, il jeta vivement un linge mouillé sur le groupe ébauché et prit Hortense dans ses bras en lui disant « Ah, nous ne sommes pas fâchés, n'est-ce pas, ma Ninette ?» Hortense avait vu le groupe, le linge dessus, elle ne dit rien. Mais avant de quitter l'atelier, elle se retourna, saisit le chiffon, regarda l'esquisse et demanda « Qu'est-ce que cela ?» « Un groupe dont l'idée m'est venue. »« Et pourquoi me l'as-tu caché ?»« Je voulais ne te le montrer que fini. » »« La femme est bien jolie, » dit Hortense. Et mille soupçons poussèrent dans son âme, comme poussent dans les Indes ces végétations grandes et touffues du jour au lendemain.